Bien-aimé dans le Seigneur, je vous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Christ Jésus. C'est avec plaisir que je vais partager avec vous cette petite exhortation. Je vous assure, mes frères, mes sœurs, lorsque vous recevez des coups de téléphone, comme ces derniers temps, des sœurs en Christ qui viennent vers moi et témoigner, n'est-ce pas, ce qui leur est arrivé dans certaines assemblées dirigées par des loups qui sont dans l'église. Et le Seigneur dit dans Osée, chapitre 4, verset 6, « mon peuple périt faute de connaissance. » Mon frère, ma sœur, l'ignorance n'est pas un avantage, ni pour un enfant de Dieu, ni même pour un païen. L'ignorance, ce n'est pas bien. Et Dieu dit, « mon peuple périt faute de connaissance, parce qu'il y a des loups. » Je vais lire un peu dans 2 Pierre. Au chapitre 2, au verset 14, la Bible dit, la Bible parle des faux prophètes ici. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. La Bible dit, ils amorcent les âmes mal affermies. Ce sont les chrétiens non affermis qui sont vraiment les cibles faciles pour les faux hommes de Dieu. Nous voyons ici, dans Matthieu chapitre 7, du verset 15 au verset 20, Jésus dit, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis. » Oh là là, Seigneur! Mais au-dedans, ce sont des loups, au-dedans. Ne vous fiez pas aux apparences. Dieu dit, « Au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Jésus n'a jamais dit, vous les reconnaîtrez par leur façon de s'habiller. Vous les reconnaîtrez par les miracles. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Lorsqu'on voit, quand Dieu se manifeste en Égypte par Moïse, Dieu fait des miracles. Et qu'est-ce qu'on voit? Satan aussi réagit du côté des marabouts de Pharaon. Satan aussi fait des miracles. Ce qui fait que le peuple et Pharaon pouvaient voir les miracles du côté de Dieu par Moïse et les miracles qui venaient des marabouts de Pharaon par le diable. C'est la même chose qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons dans des assemblées des miracles opérés par le Saint-Esprit et vous avez aussi des loups que le diable a injectés dans l'église et Jésus parle de ces loups dans Matthieu 24. Eux aussi font des miracles et des prodiges, mais Jésus dit pour séduire. Le Saint-Esprit ne fait pas de miracles dans le but de séduire qui que ce soit. Mais le diable fait des miracles pour séduire, c'est le séducteur. Pour séduire. D'accord? Donc, je vais lire dans 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 6. La Bible dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » La Bible dit que dans le monde aujourd'hui, des faux sont là. Et vous allez voir aujourd'hui, ils sont nombreux. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits, pas par leurs miracles, c'est leurs fruits. Les actes qu'ils posent, ce sont des séducteurs. Et la Bible nous disait tout à l'heure, ils ont l'apparence de la piété. Ils ressemblent à des brebis dehors, mais au-dedans, ce sont des loups. Au-dedans. Et vous allez remarquer, d'après ce que j'ai entendu de la bouche de pas mal de sœurs, devant tout le monde, ils jouent l'homme de Dieu. Mais quand vous vous retrouvez à deux, soit dans sa voiture ou à son bureau, le masque tombe. Et là, tu verras la véritable personne qui est devant toi. Une femme m'appelle tout dernièrement, « Frère, pour moi, j'ai des problèmes dans ma vie. » Il dit, « Qu'est-ce que tu as ?» Et je lui pose la question pendant la conversation. J'étais dans une assemblée là à Paris, dans la chorale, frère. Cet homme est marié, ce pasteur. Il est marié. Le harcèlement, il n'arrêtait pas de me draguer. Et moi, j'étais gêné. Il me draguait. J'ai été obligé d'arrêter d'aller à l'église. Et il venait ici, là où j'habite. Il venait me faire des prières ici. Frère, il me demandait de m'allonger, qu'il allait me oindre d'huile du pied à la tête. Et pour moi, c'était le massage. Il massait mon corps. Frère, sans te mentir, ça se terminait par un rapport sexuel. À chaque fois qu'il venait me faire des prières, on couchait ensemble après la prière. Voilà qu'un jour, je ne vois pas mes règles. je m'en vais voir mon gynécologue qui confirme la grossesse. Lorsque je l'ai appelé, quel scandale! Tu me racontes quoi là? Tu es enceinte? Oh là là, il faut m'enlever ça! Hein? Tu veux garder? Moi, je suis marié, d'accord? J'ai pas envie de casser mon ménage. En plus, tu sais que je suis un homme de Dieu. C'est mon ministère qui est en danger. Il faut m'enlever ça, enlève ça. Il fait, c'était le harcèlement. Il me téléphonait tous les jours. Tu as déjà enlevé? Il dit, frère, j'ai avorté. Je suis dégoûté, je suis à la maison. Je croyais aux paroles de cet homme. J'avais du respect pour lui, mais aujourd'hui, je le vois sur YouTube, il prêche. Quel coureur de jupons, et je ne suis pas la seule. Et il est marié. Il y a une autre qui m'appelle. Frère, je suis l'aîné des filles dans ma famille. Toutes mes petites seront déjà 2-3 enfants, moi non. Je suis allé voir un homme de Dieu, je lui ai expliqué. Elle est mariée, hein, celle qui parle. Je lui ai expliqué, je lui ai dit, j'ai déjà fait des marabouts dans le monde. J'ai tenté à l'hôpital, même avec des gynécologues. On m'a même fait in vitro plusieurs fois, ça ne marche pas. Il n'y a que Dieu qui peut opérer un miracle dans ma vie. L'homme de Dieu lui dit, ok, on va régler ça, on va faire des prières et des jeûnes. Ils vont prier des jeûnes pendant 3-4 jours, et puis l'homme de Dieu l'invite au bureau, il lui dit, écoute, voici ce que j'ai reçu. Tu es libre d'accepter ou pas, si tu veux un enfant. En fait, ton problème, c'est la sorcellerie. Ils ont bloqué ton ventre dans la sorcellerie. Je peux prier pour toi, mais ça ne suffit pas. Il faudrait que l'onction qui est en moi, je te transmets cette onction. C'est-à-dire que, comme la Bible dit, l'homme et la femme deviennent une seule chair. Mon frère, il n'y a pas 1000 solutions. Il faut qu'on aille au lit. Pendant ce rapport sexuel, je veux te transmettre l'onction qui est en moi. Et la malédiction qui t'empêche là de faire un enfant sera brisée. La femme là me dit, mon frère, je ne voulais pas se marier. Mais je me suis dit, la honte, que parmi mes petites soeurs, tout le monde a des enfants, je suis prête à tout. Il dit, frère, j'ai couché avec lui. Ça fait 4 ans aujourd'hui, jamais je suis tombée enceinte. Et quand je l'appelle aujourd'hui, il ne prend plus le téléphone. Vous vous rendez compte comment le diable joue avec nos soeurs en Christ? Un faux homme de Dieu quitte le Nigeria, invité au Kenya à un séminaire. Il termine de prêcher. Et il va dire à la fin, s'il y a des femmes ici qui ont des problèmes d'enfants, vous passez ici cet après-midi, je vais prier pour vous. Les femmes sont venues. Et la bien-aimée qui parle de l'histoire raconte qu'elles étaient au nombre de 19 femmes. Il n'y avait que des femmes. Alors, il commençait. Là-dedans, il y avait des demoiselles, des étudiantes. Il y avait aussi des femmes mariées qui voulaient faire d'enfants. Et ce monsieur se lève, il fait une petite prière. Il dit, ok, voici ce que le Saint-Esprit me met à cœur. Chacun de vous va enlever le haut. Je dois prier pour vous. Et il était assis devant. On voit des femmes qui font la queue. Pendant, qu'est-ce que le Saint-Esprit lui a dit? Vous devez enlever le haut. Je dois presser vos seins. Pour prélever, je vais utiliser le mot qu'il a utilisé, le miel. En fait, il va presser les seins des jeunes femmes et le petit liquide qui sort là, il le prend dans un verre. Oh Seigneur, j'étais choqué. Et tu vois des jeunes filles qui viennent étaler leur poitrine comme ça, le monsieur est assis en train de presser. Et quand le truc là coule, il prend le verre. Il va faire ça. Imaginez ce qu'il va aller faire avec tout ce qu'il a prélevé là. En fait, c'est ce que son marabout lui a demandé. Et vous verrez cet homme demain des miracles, des gens qui sont guéris et tout. Parce que les âmes là, parce que le liquide qui coule là, c'est ton sang, c'est ton âme qu'il est en train de prendre. Il va aller donner à son marabout. Et derrière le marabout se trouve Lucifer. En fait, ce sont vos âmes. Et vous allez voir ce qui va arriver à ces jeunes femmes. Des accidents, des maladies bizarres, rien ne marche dans leur vie. Elles ne savent pas qu'en faisant cela, c'était donner leur sang au diable. Et ce faux homme de Dieu est assis, il est en train de presser, pendant que derrière la fille qu'on touche les seins, il y a d'autres qui sont là, les seins dehors. Et celle qui dénonce l'affaire, elle a dit, mais homme de Dieu, quand son tour est arrivé, pasteur, excusez-moi, vous pouvez me montrer dans la Bible où cela est demandé. L'homme de Dieu, ah, bon, maintenant, écoute, madame, ne me prends pas la tête, si tu n'es pas d'accord, tu pars. C'est elle qui a mis le truc sur YouTube. Mais vous voyez des femmes qui sont là, on tripote leur sein, ensuite on prélève le liquide. Soit disant, il va aller prier pour ces femmes-là, alors qu'il va amener ça chez un marabout. Mais ces pratiques-là ne sont pas dans la Bible. C'est terrible. Pierre dit, ces faux-là, ils ramassent beaucoup plus facilement les personnes mal affermies. Et ces personnes mal affermies sont dans les églises. C'est une honte. Quand vous voyez que des gens qui disent qu'ils sont en Jésus depuis 2-3 ans, lorsqu'ils sont à l'église, quand l'homme de Dieu demande, on va lire dans Romains, on va chercher Romains dans l'Ancien Testament, et la personne te dit qu'il est en Christ depuis 3-4 ans. On va lire dans Exode, la personne balance les yeux dans tous les sens, parce qu'il ne sait pas où se trouve Exode. Il te dit qu'il est en Christ depuis 4 ans. Les gens ne lisent pas la parole de Dieu. Les gens ne lisent pas la Bible. La Bible dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est par ce livre que tu auras la sagesse. C'est par ce livre que tu auras le discernement. Que dit la Bible dans Apocalypse au chapitre 1? Je dis bien Apocalypse chapitre 1. Heureux celui qui lit et qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux celui qui lit. Mais vous avez beaucoup qui ne lisent pas la Bible. Le diable, c'est menteur. Le diable, c'est pour égarer les gens. Le diable présente les miracles aux hommes pour les attirer vers lui, pour les éloigner de Jésus. Mais Jésus, lui, te parle en premier du salut de ton âme. Parce que c'est pourquoi il dit, cherche en premier le royaume, la vie éternelle. Il n'a jamais dit, cherche en premier les miracles. Et vous avez le diable qui exhibe les miracles et les gens courent vers les miracles. Satan sait que personne ne sera sauvé par un miracle. La Bible nous parle de 10 lépreux. Ils avaient tous la lèpre. Ils ont entendu parler que Jésus va passer par ici. Et ils sont venus vers Jésus. Ces 10 lépreux, Jésus, dans son amour, les a tous guéris, tout le monde. Un seul lépreux a suivi Jésus. Et Jésus lui a dit à la foule, mais où sont les 9 autres? Mais non, Jésus, les 9 autres sont venus vers toi pour un miracle. C'est pourquoi ils ne sont pas là. Mais une seule personne, il n'y avait pas. Lui, il savait que Jésus est le salut, la vie. C'est l'envoyé de Dieu. Et il a suivi Jésus. Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Jésus ne lui dit pas, ton miracle t'a sauvé. Ta foi. Un miracle ne sauve personne. Les 9 autres, ils sont venus vers Jésus pour obtenir un miracle. Est-ce qu'ils l'ont eu? Oui. Mais est-ce qu'ils sont sauvés? Non. Parce qu'ils sont retournés au quartier. Une seule personne qui a suivi Jésus, Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Ce temps a obtenu, il a obtenu et une guérison et le salut de son âme. Mais les autres qui sont venus vers Jésus, parce qu'ils couraient, ils étaient à la recherche d'un miracle, ils l'ont obtenu. Après, ils sont partis au quartier. Si la mort les frappe demain, ils iront en enfer parce qu'ils n'ont pas la vie. C'est Jésus la vie. C'est Jésus le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus a dit, nulle personne ne peut aller à Dieu autrement. Personne. Il n'y a pas un autre moyen. Il n'y a pas un autre moyen d'être sauvé. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Je suis le seul médiateur entre vous les hommes et Dieu. Le seul médiateur. Pas l'un des médiateurs. Le seul. Et personne ne peut être sauvé sans passer par moi. Parce que je suis le chemin. Je suis la porte. Je suis la vérité et la vie. Il n'y a pas un autre moyen. Le diable le sait. Et pour égarer le maximum de personnes, il essaie de les séduire par les miracles pour les éloigner de Jésus. Toi qui cours derrière le miracle, les 9 lépreux ont eu le miracle, mais ils n'étaient pas sauvés. Si la mort te frappe demain, tu iras en enfer. Parce que le miracle, tu cours derrière le miracle. Le miracle ne te sauvera pas. Jésus dit, cherche d'abord le salut de ton âme, le royaume de Dieu. Jésus n'a jamais dit, cherche d'abord le miracle. Et Satan exhibe les miracles sur Internet pour vous séduire. Le diable, c'est un menteur. Il a créé beaucoup de religions et il a mis plein de mensonges. Toi qui m'écoutes, je t'exhorte à prendre ta Bible. Va dans le livre d'Apocalypse. Tu vas à la dernière page du livre d'Apocalypse. C'est le chapitre 22. Tu vas lire au verset 18, au verset 19. Dieu dit, il interdit aux hommes d'ajouter quoi que ce soit à sa parole ou d'enlever. Dieu ne veut pas qu'on fasse des rajouts. La Bible est rien ne manque à la Bible. La Bible est complète, il n'y a rien qui manque là-dedans. Dieu nous dit, n'enlevez pas, ne prenez pas et n'ajoutez pas dans la pratique, dans vos pratiques, des choses que la Bible ne connaît pas. Jésus-Christ dit, je suis le seul intermédiaire entre les hommes et Dieu. Et personne ne peut aller à Dieu autrement que par moi. Satan vient, il dit au christianisme céleste, non, il faut invoquer les anges. Il faut offrir des offrandes, des fruits et autres. Dans plusieurs religions, il va dans l'église catholique. Les chrétiens catholiques sont sincères, mais beaucoup sont dans le mensonge parce qu'on leur a dit que aller à Jésus directement, c'est pas ça. Il faut passer par la maman, c'est lui qui va intercéder pour toi auprès de Jésus. Ce n'est pas là-dedans, c'est un mensonge. Marie la médiatrice, on ne trouve pas ça là-dedans. Dieu a dit dans Apocalypse 22, n'ajoutez pas, il ne faut pas ajouter dans ma parole ce que je ne connais pas. Mais il ne faut pas ajouter. Apocalypse 22, chapitre 18 et 19, toi qui es catholique, va le lire. Va lire. Moi je n'attaque pas la religion, j'attaque les mensonges, j'attaque les rajouts. Je dis bien les rajouts. Ce que la Bible ne connaît pas. La Bible est complète, il n'y a rien qui manque là-dedans. On n'a pas à faire des rajouts. Il faut prier la Vierge. Quelle Vierge? Toi qui es catholique, tu lis la Bible. Qu'est-ce que la Bible te dit dans les évangiles? Jésus avait des frères. C'est-à-dire que le ventre de Marie là a sorti Jésus. Le même ventre a sorti d'autres enfants. D'autres enfants sont sortis de ses jambes. Excuse-moi du terme. Ce n'est pas une Vierge. C'est une femme qui a accouché beaucoup d'enfants. Elle n'est plus Vierge. Beaucoup d'enfants sont sortis là. Et la Bible n'a jamais dit qu'il faut aller l'invoquer pour que lui intercède pour toi. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi. Il n'a jamais d'abord dit, allez d'abord à l'ange Gabriel, il n'a jamais d'abord dit, allez d'abord à ma mère, il dit, à moi, venez à moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie, venez à moi. Venez à moi, c'est moi le chemin, venez à moi. Il n'a jamais dit, allez d'abord passer par Joseph, allez d'abord passer par ma mère. Il dit, venez à moi. Je suis le seul intermédiaire entre vous et Dieu, venez à moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie, venez à moi. C'est moi qui vous donne la paix du cœur, venez à moi. C'est moi qui vous guérit, venez à moi. C'est moi qui vous délivre, venez à moi. À moi. Il n'a jamais dit, allez passer par tel, tel, tel. Il dit, venez à moi. Je suis l'envoyé de Dieu, venez à moi. Vous qui êtes chargé et fatigué, c'est à moi qu'il faut venir. À lui directement. Pas par des intermédiaires. À lui. Les faux hommes de Dieu abusent des enfants de Dieu. Et la Bible dit, les personnes mal enfermées sont leur proie. Oh Seigneur, les personnes mal enfermées. Je vais relire ça dans 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Beaucoup vont voir les médiums. Beaucoup vont voir les marabouts. Parce que les médiums ici, même ici en France, les médiums aussi font des bagues. Les médiums. D'autres vont voir des marabouts pour préparer les bagues. Je vous ai déjà raconté mon cas. J'étais gravement malade, j'étais encore au lycée. Je souffrais d'une maladie bizarre. C'est-à-dire que des aiguilles, je sentais dans mon corps, à l'intérieur de ma chair, comme si plusieurs personnes étaient en train de me piquer avec des aiguilles. Ça faisait tac, tac, tac, tac, tac, à l'intérieur de moi. Ça faisait mal bien aimé. Mes frères et sœurs, je souffrais. Je n'avais que la peau sur les os. L'hôpital a tout essayé. Tous les examens, on ne voit rien. C'est alors que nous, on a entendu parler d'un grand marabout. On m'amène là-bas. Mes parents ont payé la consultation. Et lorsque ce monsieur m'a examiné, il a dit, les sorciers sont derrière ton problème. Ce sont les sorciers côté de ton père. C'est les sorciers du côté de ton père qui t'attaquent. Donc, ce traitement va prendre quand même un peu de temps. Il faut que tu restes ici. Je dormais là-bas. Je mangeais là-bas. Et c'est comme ça que j'ai pu voir des saletés. Oh, toi qui es chrétien, si tu as une femme païenne, demande à ta femme de venir à Jésus. Toi qui es peut-être ton mari, n'a pas encore donné sa vie à Jésus, il faut prier. Le monde, c'est la saleté. Parce que cet homme m'avait dit, tu sais écrire? Je lui ai dit, oui, je suis au lycée. Il m'a dit, ok, quand je vais faire la consultation, parce que quand l'esprit monte en moi, je suis en transe, des paroles que je vais dire là, toi, tu vas les écrire dans ce gros cahier. Et j'étais le seul qui restait dans la salle de consultation, puisque c'est moi qui dois écrire. Et c'est comme ça que j'ai pu entendre toutes les bêtises. Cet homme me disait, Teddy, attention, les esprits qui travaillent avec moi, malheur à toi si tu racontes, ils vont t'attaquer. Parce que tu es le seul, parce que les gens ici viennent cracher les trucs cachés de leur cœur, et toi tu n'es pas là à aller les raconter. Aujourd'hui j'en parle parce que Jésus est en moi. Je pouvais voir des femmes. Vraiment, je souffre chez moi. Mon mari a 4 femmes. Je suis la 3e ou la 2e. Mais depuis qu'il a épousé la dernière, la jeune là, nous tous là, est-ce qu'il nous regarde encore? Il nous a oubliés. C'est la jeune là, tout son cœur est vers la jeune. Et puis le marabout lui dit, écoute, quand tu auras encore tes règles, tu m'amènes ça, d'accord? Et puis moi, je vais faire un fétiche. Tu connais ton mari, tu sais ce qu'il aime manger. Ensuite, quand je vais faire le truc, tu vas lui mettre la poudre là, dans le repas, dans le truc qu'il aime manger. Et tu verras que ton mari va oublier les autres, il sera que sur toi. Et tu vois la femme, ok, quand j'aurai les règles, je viens te voir. Des conneries, des commerçants du marché. Oh, les autres clients ne voient même pas. Tout le monde va sur les tables de mes collègues et camarades. C'est comme si ma nourriture est pourrie. Le marabout lui dit, il n'y a pas de problème. Je vais te faire une poudre. Tu vas la verser devant les tables des autres commerçants. Et tu verras, tout le monde viendra que vers toi. J'ai vu ça. Des médecins, des officiers de police. Oh, ça fait 10 ans que je suis lieutenant, ça ne monte pas. On dirait qu'on m'a bloqué. Il dit, il n'y a pas de problème, je vais te faire un truc. J'ai vu plein de choses. Un jour, ce monsieur me dit, parce qu'il avait un local. Dans ce local, personne ne rentrait là-bas. C'était une chambre, il n'ouvrait jamais les fenêtres. Tout le temps dans le noir. Et un jour, alors qu'il était avec d'autres clients, il me dit, Teddy, pour gagner du temps, tiens le briquet. Il y a des bougies là-dedans, va les allumer. C'est comme ça que je rentre dans le local. J'allume une première bougie. Parce que comme c'est tellement noir, il me fallait de la lumière. Donc je rentre dans le local. Frères et sœurs, qu'est-ce que je vois dans le local quand j'allume les bougies? Un grand pentagramme. Celui qui ne sait pas ce qu'on appelle pentagramme, va sur Google. Tu tapes pentagramme, tu auras le dessin d'un pentagramme. En fait, le pentagramme est utilisé par des personnes qui ont fait soit la franc-maçonnerie, soit l'occultisme, si vous voulez. À l'intérieur du pentagramme, il y avait une grande étoile à 5 branches. Et sur chaque pointe d'étoile, il y avait une bougie rouge qu'il fallait allumer. Et j'ai bien remarqué, avec la lumière de la bougie, bien sûr, qu'il y avait au milieu du pentagramme des tenues blancs, machin, qui se terminaient par des croix. Bon, si la personne qui connaît les Templiers ou bien l'Église céleste, ils portent des tenues un peu à peu près comme ça. Il y avait, au milieu du pentagramme, j'ai vu des parfums, j'ai vu des gourmettes, j'ai vu des chaînettes qui se terminent avec un crucifix, j'ai vu des bagues, j'ai vu des huiles au milieu du pentagramme. J'ai même vu d'autres choses, j'ai pas envie d'en parler, des trucs comme des slips. Oh, le monde est sale. Il demande à une femme, amène-moi un slip de ton mari, il va travailler. Et toi, tu vas porter ça, alors que ta femme l'a amené quelque part, une fois que tu mets ça. Ton truc est debout qu'avec elle, dehors c'est mort. Bon, c'est pas ça le sujet. Je vais seulement dire que lorsqu'il rentrait là-bas, il passait toute la nuit, il invoquait ses esprits. Et les faux hommes de Dieu venaient prendre des bagues. Même des prêtres. Mais ils ne venaient pas avec leur soutane et tout. Ils venaient en civil, pantalon, chemise. Généralement, ils garaient la voiture loin, ils envoient un jeune homme. Mais le marabout me disait tout. Il me disait, c'est l'homme, ça c'est pour l'homme de Dieu. Le petit qui vient là, donne-lui ça. Ça, c'est pour l'homme de Dieu. Mais lui, il utilisait le terme homme de Dieu. Mais il ne me disait pas si c'est forcément un prêtre ou un pasteur. Il disait seulement, le jeune homme qui vient là, donne-lui ça. Ça, c'est pour l'homme de Dieu. Oui, les hommes de Dieu ont des relations, mais ça, ce sont des faux. Mais ça ne doit pas vous surprendre. Quand Jésus dit qu'ils feront des miracles, ils feront. Comment peuvent-ils faire des miracles étant donné que Dieu n'est pas avec eux? Comment ils arrivent à faire des miracles alors que Dieu n'est pas avec eux? S'ils font des miracles, c'est parce que Satan est avec eux. C'est parce qu'ils ont recours aux puissances démoniaques pour faire les miracles. C'est pourquoi vous allez voir des grosses chevalières ici. Les chevalières, on les trouve sur les doigts des gens qui sont dans la Rose Croix, des gens qui fréquentent des loges dans la franc-maçonnerie. Posez-vous la question, quelqu'un qui vous dit qu'il est homme de Dieu, la chevalière fait quoi ici? Un vrai homme de Dieu marié porte une alliance. Une alliance, ce n'est pas une grosse bague. Les chevalières que vous voyez là, c'est des bagues dotées de pouvoir. C'est des bagues travaillées. Les miracles qu'il fait, c'est grâce aux démons qui sont liés à la bague. Ce sont ces démons-là qui agissent. J'ai regardé tout dernièrement une vidéo, je crois c'était avant-hier. Un homme qui était braqué de grosses bagues. Il termine de prêcher, il a dit, venez ici, les gens qui ont besoin de délivrance et de guérison. Une femme était devant, à peine sa main avec la bague a touché la tête de la femme, que tout de suite on dirait une décharge électrique. La femme a commencé à sauter. Il a fallu deux hommes pour la maîtriser. Parce que la puissance démoniaque de la bague est rentrée dans la femme. Ce sont ces démons-là qui vous mettent en transe. Ce sont ces démons-là qui vous font tomber. Jésus l'a dit, Jésus le dit. Ils vont faire des miracles et des prodiges. C'est grâce à la puissance démoniaque. Ils ne font pas des miracles et des prodiges par la puissance de Dieu, puisque Dieu ne les a pas envoyés. Pourquoi ça vous surprend? Pourquoi ça vous étonne? Puisque Jésus l'a dit, ils vont faire des miracles et des prodiges, les faux hommes de Dieu. Mais si le faux homme de Dieu fait des miracles, parce qu'il n'y a que deux personnes qui ont fait des miracles en Égypte. Il y avait Dieu qui faisait les miracles par Moïse, il y avait Satan qui faisait les miracles par les marabouts de Pharaon. Il n'y a que Dieu qui peut faire les miracles, le diable aussi fait les miracles, il n'y a personne d'autre. Donc si quelqu'un n'est pas vrai homme de Dieu, le miracle qu'il fait, c'est grâce à la puissance du diable. Et le diable le fait par des outils. Bam, chaînette avec crucifix, gourmet, mouchoir, un mouchoir. Vous allez voir certains hommes de Dieu, quand ils prient pour les gens, il a un mouchoir. Quand ils prient pour les gens, il y a un mouchoir. Le mouchoir là n'est pas simple. Le mouchoir, même si tu le vois essuyer la figure, ce mouchoir est doté de pouvoir. C'est pourquoi si ce mouchoir te touche, tu tombes à terre. Ce ne sont pas des mouchoirs simples. Bien-aimés, réveillez-vous. Ce ne sont pas des mouchoirs simples. Ils sont déjà dans les églises. Regardez comment ils vivent. C'est pourquoi ça pousse comme des champignons. Des hommes de Dieu. Chacun cherche. Il y a une église, un bâtiment à Aubervilliers. Un bâtiment. Combien d'églises par dimanche? Celui-là occupe de 8h à 10h. L'autre de 10h à 12h. L'autre de 12h à 14h. Un même bâtiment. Parce que c'est pour se faire du pognon. Si on travaille pour Dieu, pourquoi ne pas faire un seul truc? Pourquoi des petits morceaux? Parce que chacun a créé son entreprise. Dieu est devenu un fonds de commerce. On se fait du pognon par la Bible. C'est pourquoi chacun veut avoir son petit truc. Oui, gagne de l'argent. Et le secret, c'est quoi? Mon frère, quand même, tu étais là au quartier. Comment se fait-il que tu roules des voitures de luxe? Oh, va voir telle personne. Ah bon? Ah oui, c'est lui qui m'a fait le mouchoir. Tu verras. Hein? Quand les gens verront que les gens sont en train, ça tombe quand tu pries. Tout le monde viendra et tu demandes l'offrande. Tu dis, on va bâtir l'hôtel. C'est comme ça qu'on fait. Vas-y. C'est pourquoi vous voyez les églises pousser. Ça pousse de partout. Et vous allez voir que ces gens sont accros de l'argent. C'est pourquoi Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Jésus n'a jamais dit par les miracles, puisque le Saint-Esprit fait des miracles, le diable aussi fait des miracles. Mais Jésus a dit, vous regardez le fruit, regardez leur fruit, c'est des coureurs de jupons. Et vous allez remarquer, ils ne prêchent jamais sur, ils n'attaquent jamais la fornication ou l'adultère. Comment veux-tu? Il est marié, il couche avec une fille de la chorale, il a une copine dans l'assemblée. Comment veux-tu qu'il vienne parler de sanctification? Comment voulez-vous qu'il attaque l'adultère alors que lui-même sort avec les filles de l'église? Comment voulez-vous qu'il vienne attaquer la fornication alors que lui-même trompe sa femme avec une sœur de la chorale? C'est pourquoi il parle de tout, sauf il n'attaque pas le péché. Il n'attaque pas le péché. Il parle de tout, Dieu amour, Dieu délivre, Dieu guérit, tout. Bon, vous racontez, Esaïe a dit ça à Moïse, Moïse a fait gna gna gna. Mais vous ne les verrez pas attaquer le péché. Parce que dit Pierre? Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 2, 14, ils ont les yeux pleins d'adultère. Pleins d'adultère, les yeux. Ils regardent dans l'assemblée, oh, celle qui vient d'arriver là, elle est mignonne. Eh bien, bon, je vais chercher à voir celle-là. Et comme il est pasteur, bonjour, bonjour, tu viens d'arriver, oui. Bon, je voudrais m'entretenir avec toi. Dieu vient de me parler de toi. Dieu vient de me parler de toi. Et puis, tu vas croire. L'homme de Dieu te dit, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose sur toi. Viens me voir. Toi, tu vas croire. Parce que la Bible dit ici, ils amorcent les âmes mal affermies. La personne est encore nouvelle convertie. Et puis tu viendras le voir, il va commencer à te draguer. Il va inventer des mensonges. Il veut te faire passer à la casserole comme il l'a déjà fait avec d'autres femmes avant toi. La Bible dit, ils ont les yeux pleins d'adultère. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ils courent derrière l'argent. Derrière les richesses du monde. La Bible dit ce sont des enfants de malédiction. Bien-aimés, nous sommes dans les temps de la fin. Des sœurs en Christ se font avoir par des faux hommes de Dieu. Se font avoir par le sexe. Il y a cette femme qui m'a appelé. Bien-aimée, il y a cet homme de Dieu. Moi, j'étais touché parce qu'il marchait par terre. Je lui ai dit, pasteur, voici ma voiture. Il dit, frère, moi je croyais qu'il allait utiliser ma voiture pour quelques jours, puisque j'ai besoin de ma voiture pour aller au boulot. Et la sœur est étonnée, les mois passent. C'est maintenant elle qui prend les transports en commun pour aller à son travail. Le faux homme de Dieu, c'est comme si on lui a donné la voiture. Il roule maintenant avec comme il veut. Comme il veut. Quand la voiture fait l'accident, c'est là où monsieur amène la voiture. Il n'a même pas réparé. Et il est parti sans dire quoi que ce soit à la sœur en Christ. Après plusieurs mois. Ils sont malhonnêtes. Ce sont des loups. Ce sont des escrocs. Ils sont avec vous par intérêt. C'est par intérêt, par l'argent, par le pognon. Dans son assemblée, c'est les personnes qui donnent de l'argent qui sont considérées, qui sont honorées dans son assemblée. Ce sont ces personnes-là qui occupent les premières places parce qu'ils donnent de l'argent. Toi qui ne donnes rien là, tu es derrière. Tu n'es pas considéré. Ils s'en foutent de toi. Mais ce sont des personnes qui donnent des grosses enveloppes. Ce sont ces personnes-là qui ont droit aux prières. Même si toi, tu es au fond là-bas, pasteur, je veux la prière. Non. Tu lui apportes quoi? Tu ne lui rapportes rien. Mais les grosses personnes qui gardent les gros 4x4 et qui donnent des grosses enveloppes, eh oui, il suffit qu'il monte le doigt, il a droit à la prière. Parce qu'il lui rapporte de l'argent. Puisque ces gens-là sont là pour de l'argent. Tu vas le voir. Je suis embêté par un mari de nuit. Donne de l'argent. Ils sont malins. Au lieu de te dire, le prix de la prière, c'est ça. Il va te dire, non, une offrande. En fait, l'offrande qu'on te demande, c'est le prix. C'est le prix de la délivrance. C'est le prix de la guérison, l'offrande là. On va d'abord bâtir l'hôtel. 1000 euros pour bâtir l'hôtel. En fait, bâtir l'hôtel, c'est juste, ça couvre le mot de prix. Au lieu de te dire, bon, tu veux la délivrance, le prix c'est ça. Mais il va bientôt te dire, l'offrande, on va bâtir l'hôtel. C'est des escrocs. Ils cherchent l'argent. C'est un chômeur. Regarde comment il s'habille. Va voir sa voiture qui est garée dehors. Voiture de luxe. Va voir là où il habite. Et pourtant, c'est un chômeur. C'est toi qui vas au boulot du premier au temps. Il est assis chez lui. Tranquillement, il est au lit en plein hiver, pendant que toi tu vas dans le froid. Le jour où tu iras le voir parce que tu as les maux de tête, 500 euros. C'est comme ça qu'ils ont les poches pleines. Et quand vous voyez des faux hommes de Dieu, ça pousse comme des champignons. Parce que tous les chômeurs, lorsqu'ils voient leurs collègues qui étaient chômeurs, ils vont auprès de leurs amis. Mon ami, tu as fait comment? Va voir tel médium, va voir tel marabout, il va te faire un truc. Et tu vas prendre un nom. Tu peux dire que tu es bishop. Bishop, tu peux dire que Shekina machin, tu peux dire que tu es général de Dieu, tu prends le titre que tu veux et tu vas voir. Quand les gens verront que quand tu pries, les gens tombent par terre, tu auras du monde. Et quand les gens viendront, tu demandes une offrande. Moi qui n'avais même pas 10 euros dans le compte, si je te montre mon compte bancaire, tu vas crier. C'est pourquoi ça prospère, c'est pourquoi ça va dans tous les sens. Parce que les hommes cherchent les miracles. Ceux qui courent derrière les miracles, c'est leur client. Toi qui cours derrière les miracles, tu es leur client. Parce qu'ils vont te demander l'offrande. Et certains sont malins. Tu peux aller aujourd'hui, ils ne te demandent rien, mais quand tu auras encore un petit bobo, il va dire, pose une offrande. Ils sont malins, ils sont rusés comme leur père le diable. Faites attention. Ce sont des commerçants. Dieu ne les connaît pas. Mais ils font des prodiges et des miracles comme Jésus le dit. Mais Dieu n'est pas avec eux. Si Dieu ne fait pas les miracles avec toi, c'est que c'est Satan qui les fait. C'est clair. Comme en Égypte, Dieu fait les miracles par Moïse, Satan fait les miracles par les marabouts de Pharaon. Si tes miracles ne viennent pas de Dieu, ils viennent du diable. Mais Jésus a dit, regardez leurs fruits. Ma sœur, tu es dans une église. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de sœurs m'appellent. Beaucoup d'hommes de Dieu, faux hommes de Dieu ont couché avec. Elles sont déçues, assises à la maison. Au lieu de parler, pourquoi tu ne parles pas? Écoute ma sœur, toi qui vas regarder cette vidéo, si toi tu ne peux pas dénoncer cet homme de Dieu, appelle-moi, viens auprès de moi. Moi je suis prêt à dénoncer les loups. Viens me raconter ton problème. Viens me raconter ce que tu as connu. Moi, je vais les dénoncer. Beaucoup sont victimes. Pasteur, c'est le pasteur qui te dit, oui, oh pasteur, excuse-moi, vraiment, j'ai revu ta vidéo sur YouTube. Voici ce qui m'est arrivé chez un faux homme de Dieu. Il y a un frère qui m'a appelé de la Guadeloupe. Il était le chauffeur d'un faux homme de Dieu. Il paraît que le monsieur a une église dans le 78. Quand il a découvert que cet homme c'est un sorcier, il a dit, moi je ne peux plus conduire ta voiture. Ce faux homme de Dieu s'est fâché et lui a dit, tu vas voir ce qui va t'arriver. Il a prononcé des malédictions. Vous vous rendez compte? Pour quelqu'un qui dit qu'il est homme de Dieu. Regardez les bagues, ma soeur. Regardez, les bagues ne sont pas là pour rien. Quand on va encore te rouler dans la farine, le mouchoir qu'il tient là, c'est pas un mouchoir simple, c'est pas comme un mouchoir que tu es allé acheter au marché ou dans un magasin. C'est un mouchoir que moi je voyais chez le marabout, monsieur travaille dessus dans un pentagramme. Le mouchoir est doté de démons. Ce sont ces démons là qui agissent lorsqu'il prie. La bague que tu vois là n'est pas là pour la décoration. La Bible dit, je vais vous faire rapidement un témoignage. Il y a une femme au Gabon, une jeune femme, elle n'était même pas belle, excusez-moi. Mais il fallait voir la qualité d'homme qui courait derrière elle. Elle vivait dans le luxe. Ce n'était pas n'importe qui que les gros bonnets qui couraient derrière cette femme. Parce que ses grands-parents, parce qu'elle a témoigné à l'église, ses grands-parents avaient dit, ok, comme toi tu as un bon cœur, nous on va te donner ce fétiche. Ce fétiche fera que même si tu ne fais pas des hautes études, les hautes personnalités vont courir derrière toi. Maintenant, quand tu auras l'argent, il faut aider tes frères et sœurs. Il faut les aider. Donc, elle avait ce fétiche. Bien aimé, il fallait voir là où elle habitait. Alors qu'elle n'avait même pas le bac. Mais il fallait voir les voitures qu'elle roulait. Les autres personnalités couraient derrière elle. Attirées par le fétiche. Parce que ce fétiche est attaché à des démons de séduction. Et ce sont ces démons de séduction qui faisaient que partout là où elle est, les autres personnalités, même si elle est au milieu de 1000 femmes, tous les yeux ne sont que sur elle. Lorsqu'elle a reçu Jésus, le Saint-Esprit a fait un boulot de fond dans son cœur. Le Saint-Esprit lui dit, faut se débarrasser de ça. Elle était touchée, elle voulait d'abord garder. Elle était touchée. Parce qu'à cette époque, il y avait quelqu'un qui lui faisait tout, un colonel de douane. Et lorsqu'elle a commencé à appeler ses copains, bon, moi, mon histoire avec toi, c'est fini. L'homme dit, oh, pourquoi? Il appelle le colonel. Elle a appelé tous les gros bonnets qui traitaient avec elle. Pour dire, bon, moi j'arrête ça, j'ai donné ma vie à Jésus. Pourquoi? Pourquoi? Mais si tu vas à l'église, pourquoi tu vas couper? Elle a dit, niet. Le colonel de douane lui a dit, écoute, la dernière voiture que je t'ai achetée, je viens la prendre. Hein, si tu tiens ferme. Elle a dit, tant pis. Mais lorsqu'elle est venue à la maison, le Saint-Esprit l'a touchée. C'est comme ça qu'elle va prendre le fétiche. Elle met dans un sac. Elle est allée dans une décharge publique. Elle a balancé le sac. Elle raconte que deux jours après, Le village, son village est à 600 km de la capitale. Les vieux qui lui ont donné le truc sont au village. Et du coup, deux jours après, les gens qui revenaient du village disaient, « Oh, les vieillards, ton grand-père est fâché. Ils sont tous fâchés contre toi. Ils m'ont dit de te dire de descendre au village, de descendre au village. Ils sont fâchés. » Et quand elle a appelé, on lui dit, « Mais t'es folle. Le truc qu'on t'a donné est venu ici. Le truc est déjà là. Pourquoi tu es allé jeter ça? C'est revenu vers nous. Nous, on l'a ici. » Parce qu'un fétiche est attaché à des démons. Même si on t'a donné un gris-gris, il y a des démons qui sont attachés à ce gris-gris. Ce sont ces démons-là qui vont exécuter tes désirs. Si on t'a donné un parfum, on t'a dit ce parfum-là, c'est pour attirer les femmes vers toi. En fait, des démons sont liés à ce parfum. Ce sont ces démons qui vont envoûter les cœurs des femmes pour que les femmes viennent vers toi. C'est comme ça que ça se passe. Donc, les démons qui étaient liés à son orgueil ont amené le fétiche au village. Et on lui disait, viens chercher. Mais pourquoi le fétiche est parti là-bas? La Bible dit dans Actes des Apôtres que les personnes qui avaient touché, les objets qui avaient touché à la magie ou à l'occultisme, les gens apportaient ces choses aux disciples et les disciples brûlaient ces choses. Tant que ça ne passe pas par le feu, l'objet est toujours doté des pouvoirs occultes. Tant que ce n'est pas brûlé. Un frère m'a appelé tout dernièrement. Oh bien aimé, on dirait que notre pasteur a vu vos vidéos parce que depuis quelques jours, on ne voit plus la grosse bague qu'il avait au doigt. Je voudrais te dire, il peut l'enlever ici, la mettre dans la veste. Tant que l'objet n'est pas brûlé, tout le pouvoir démoniaque est là. J'ai vu dans des vidéos certains hommes de Dieu qui enlèvent la bague. Oh, la bague là ne sert à rien, c'est juste là, c'est un menteur. Si la bague ne sert à rien, pourquoi il la garde? Il sait très bien qu'on en parle. Pourquoi il garde les chevaliers? Si les chevaliers ne servent à rien, pourquoi il ne s'en débarrasse pas? Pour enlever tout doute de vos têtes. Pourquoi il les garde? Je vous dis que s'il les brûle, pas qu'il les jette, qu'il les brûle. Parce que s'il les brûle, la puissance démoniaque, le marabout ou le médium attaché à la bague sera brisée. Il faut que ça passe par le feu. Si cet homme le fait, vous ne verrez plus un seul miracle dans son ministère. Je vous le dis sincèrement, par rapport à ce que j'ai vu chez le marabout, si cet homme brûle, il prend l'allumette devant vous, les bagues qu'il a au doigt, vous ne verrez plus un seul miracle ou une délivrance dans son ministère, il n'y aura plus. Parce que la puissance qui lui permet de faire des miracles, de mettre les gens en transe, de faire tomber les gens, est liée aux bagues, est liée aux bagues, est liée au mouchoir, est liée au crucifix, la chaînette avec crucifix. Est lié aux huiles, les huiles d'onction qui ont été travaillées. Ces huiles sont dotées de pouvoirs occultes. En fait, il y a des démons qui ont été placés dans ces huiles-là. Et quand toi, tu vas amener cette huile dans la chambre, tu as des rêves bizarres, tu as le mari de nuit, tu as la femme de nuit. En fait, il y a des esprits attachés à cette huile. Ce ne sont pas des huiles simples. Ces huiles ont été travaillées. Faites attention. Vous êtes des proies faciles. Parce que vous ne lisez pas la Bible. Dieu dit, Apocalypse chapitre 1, va le lire. Heureux celui qui lit et qui garde les paroles de la prophétie de ce livre, la Bible. La Bible seule est la vérité. Heureux celui qui lit. Parce que quand tu lis la Bible, quand le faux prophète sera devant toi, mets-toi nu, je vais prier pour toi. Tu vas dire, non, je n'ai jamais vu ça dans une Bible. Tu vas résister. Tu vas faire comme les chrétiens de Béret. Paul dit quelque chose, il vérifie dans la Bible. Si on ne trouve pas ça dans la Bible, nous on ne peut pas accepter ce que Paul dit. Nous on accepte que ce qui est écrit. Voilà le vrai chrétien. Bien aimé, arrêtez de vous faire ramasser comme des enfants. C'est ça. Les faux prophètes, les faux hommes de Dieu sont nombreux aujourd'hui. Ils cherchent le pognon et ils auront toujours l'argent des personnes qui courent derrière les miracles. Que Dieu vous bénisse, à vous de voir.